y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. En exclusivité, uniquement dans British Connection. Salut, c'est Patrick Fouillou dans British Connection. Je suis l'auteur du livre Black et Noir, Enragez-vous, sorti le 11 octobre. Le livre raconte l'histoire d'une structure à Angers, une structure rock dans le rock indépendant, dans les années 80 et 90. Alors pourquoi cette histoire d'une structure dans les années 80-90? Bah parce que le rock n'a rien, rien n'est structuré. À la fin des années 70, début 80, et tout doucement, eh ben, il faut bien, les groupes ont besoin de lieux pour jouer, ont besoin de faire des disques, ont besoin de distribuer leurs disques, et se faire entendre sur les radios, ont besoin qu'on parle d'eux dans la presse. Tout ça n'existe pas, et donc il faut véritablement structurer tout ça, et bon, ben, ça se fait un peu, on apprend sur le tas, on est autodidacte. Et il y a plein de structures comme ça en France qui se montent un peu partout. Et j'ai pris Black et Noir. Pourquoi Black et Noir? Ben parce que j'avais déjà fait le livre sur les Tugs, et dans l'histoire de Black et Noir, le chanteur des Tugs fait partie de cette histoire-là. Ça s'était très bien passé pour le livre sur les Tugs. Donc je me suis dit, allons-y, continuons avec Black et Noir. En plus, l'avantage qu'il y a, c'est que tous les gens qui ont été, qui ont pris part à cette histoire, à cette aventure, sont tous de ce monde encore de nos jours. Donc, c'est intéressant de les faire parler et d'avoir leur témoignage en direct. Donc, cette histoire commence, c'est Casbah et Stéphane Martin Martinez qui débutent ça, qui font une émission sur une petite radio d'Angers au début des années 80 qui s'appelle Black et Noir. Là-dessus viennent se greffer Doudou et Eric Souris, chanteur des Tugs, viennent se greffer à l'équipe. Et puis, ils se mettent à organiser des concerts à Angers aussi, tout doucement. Ça évolue. Et puis, ils se disent, en réfléchissant, ils se disent « c'est dommage, on n'a pas de magasin de disques à Angers. Ce serait bien où on peut trouver les disques qu'on aime bien écouter. Il n'y en a plus. » Donc on va créer notre propre magasin de disques, ils vont créer leur propre magasin de disques à Angers qui va s'appeler aussi Black et Noir et qui va aussi se développer, et on va retrouver Black et Noir ensuite à Bordeaux et à Nantes, tout simplement, et évidemment, qui dit magasin de disques, et après on a bien des groupes à Angers, mais le problème c'est qu'on n'a pas de label pour faire des disques, et ben donc ils se disent, et pourquoi pas, si on faisait notre propre label, blanc, black et noir. Moi je vous propose d'écouter un premier morceau de Dirty Hands, et ça s'appelle tout simplement Piece of Fun. We'll be right back. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Et donc le label commence tout doucement à sortir des 45 tours, puis des disques de groupe angevin pour débuter. Et dans l'histoire des 45 tours, leur vient une idée pas mal. C'est-à-dire, les Tux sont des gens, je pense qu'ils sont déjà chez Sub Pop à ce moment-là, et eux, ils voient ce que fait Sub Pop. Sub Pop avait lancé son club single, ils se sont dit, bah, si on devrait faire ça. On lance des abonnements, 5 45 tours par an, et c'est ainsi qu'ils ont fait sortir en 2 ans 10 45 tours. Et ces 45 tours sont les 20 chansons, donc sont compilées sur un disque qui vient de sortir aussi le 11 octobre sur le label 19 Something, le label entre autres de Eric Souris et de Frank Frejnik. Ça permet à de jeunes groupes de sortir leurs premiers 45 tours et de se lancer. Derrière, il va y avoir des albums évidemment. Et puis tout doucement, ils commencent à recruter, pas forcément que des groupes d'Angers. On voit Drive Blind qui vient de Nîmes, on voit Burning Heads qui vient d'Orléans, Subtle Turnips qui vient de Paris, Mad Monster Party qui vient d'Angoulême. Mais malgré tout, c'est pas un label qui défend uniquement les groupes angevins, puisque la toute première référence de Black & Noir reste un groupe écossais, c'était Cateran. Et d'ailleurs, ils sortiront des disques de deux autres groupes étrangers, Overflow des Croates et Uptown Bones des Américains. Donc tout doucement, avec ce livre, on voit comment évolue une structure, et d'ailleurs au point d'évoluer, c'est qu'au départ c'est une association, mais quand ils montent le magasin là ils passent carrément en société, et le label est intégré à la société également, donc ça devient un peu sérieux. Et qu'est-ce que ça permet ça permet de voir une chose, c'est tout simplement que comme il n'existait rien pour la musique rock et les groupes de rock indépendants de l'époque, il fallait tout structurer, et on voit comment ça évolue tout doucement au fil de l'eau. Et plus tard, tous ces gens qui viennent du milieu indépendant, ce sont eux qui vont prendre tout simplement la suite, et qu'on va retrouver la direction des SMAC, qu'on va retrouver la direction des radios, qu'on va retrouver vraiment à des postes clés, tout simplement à droite à gauche. Mais donc Black & Noir, c'est évidemment un label reconnu d'Angers, mais c'est aussi un label reconnu un peu à l'international aussi. Ça vend principalement en France, hein, ça va pas trop à l'étranger. Donc je vous propose maintenant d'écouter un autre morceau sorti sur le label Black & Noir, c'est le Casbah Club avec Days of September. By the golden age. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Black et Noir, donc, se développe sur pas mal d'artistes, surtout se développe aussi au niveau du disquaire. C'est intéressant de voir qu'il... comme ils le disent eux-mêmes dans le livre, en un sens, c'était pas fait exprès, mais on était, mine de rien, en train de monter une chaîne avec Angers, Bordeaux et Nantes. Alors, évidemment, le problème, c'est que c'était un peu des boutiques rock et ils étaient un peu radicaux dans leur choix. Alors, surtout en Angers et Bordeaux, peut-être que Nantes, ils étaient un peu plus ouverts avec les personnes qui ont participé à l'aventure. Même si à Angers, il y avait Eric un peu radical et Stéphane qui a été un peu près, qui avait plus envie d'ouvrir. Mais bon, ils se retrouvent évidemment confrontés au problème des structures indépendantes, hein, tout simplement des problèmes économiques, tout simplement. Ce qui est donc intéressant avec ce livre, c'est que j'ai pu interviewer tout le monde, tous les gens qui ont participé à l'histoire Black et Noir, même les disquaires, tous les gens qui ont participé au magasin de disques à Bordeaux, à Angers évidemment, et donc à Nantes, il y a beaucoup de monde qui a participé. Et j'ai interviewé un membre des groupes, alors pas tous les groupes, hein, j'ai pas fait dans l'exhaustif, mais un membre de tous les groupes qui ont sorti un disque chez Black et Noir, pour avoir ben, leur avis, savoir les relations qu'ils avaient avec Black et Noir, c'est-à-dire ben, comment on faisait à l'époque, hein, quand on était un groupe de rock, comment on faisait pour se retrouver sur un petit label indépendant, et à quoi ça, quels avantages ça avait d'être sur un petit label indépendant, ça permettait de jouer, ça permettait d'avoir un nom, d'avoir un peu de notoriété, de visibilité, puisqu'on en parlait dans la presse à un minimum. Donc ça, c'était assez intéressant. Et donc, ouais, à travers ce livre, c'est de tout ça que je parle. Alors, j'ai pris évidemment Black et Noir, mais parce qu'il en fallait un, mais ça représente aussi plein d'autres structures qui étaient un peu formées de la même façon. Et puis, en creux, c'est aussi une étude sociologique, on va dire, sur ces petites structures rock qui ont donné, donc, plus tard... qui ont permis des trucs un peu plus professionnels. Ça s'est institutionnalisé forcément et ça s'est professionnalisé avec le temps. Là, c'était vraiment tous les gens qui faisaient ça étaient des autodidactes complets. On improvisait sur le tas, on apprenait en même temps, mais c'était super quoi. C'était vraiment une super belle aventure et c'est vraiment intéressant de retrouver tout ça. Voilà, j'espère que tout le monde va se plaire à lire ce livre qui, moi, m'a passionné à écrire en tout cas. Et bien, pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection. C'est un morceau des Shaking Dolls qui est un hymne adolescent qui s'appelle Rock, Bed and Chocolate. Salut, à bientôt! British Connection, just rock! We'll be right back. Hey, je viens de découvrir un groupe de rock. Faut que je te fasse écouter, tu vas kiffer. Quoi? Tu connaissais déjà? Si tu veux pas passer pour un blaireau auprès de tes potes, écoute British Connection, la seule émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Écoute ça. This is a public service announcement. With guitar. Troisième partie et fin de cet album de la semaine, c'est le tout dernier d'Arcy. Attention, une tournée a débuté, elle passe entre Mulhouse, Saint-Nazaire, Angers, Tours, Bordeaux, Parthenay, également à Limoges. Et d'ailleurs, elle est au profit des Restos du Cœur. Rien à perdre, c'est le troisième single de ce nouvel album. C'est un titre qu'on joue déjà depuis un petit moment, presque un an, un petit peu partout en France. Et c'est un morceau qui nous tient à cœur parce que il a une énergie particulière, c'est un morceau punk avec ses gros la-la-la chantés sur les refrains comme on aime le faire à chaque fois en live. C'est, on le pense, un titre assez fédérateur qui parle de la difficulté de s'en sortir financièrement avec des salaires bas ou voilà, un chômage un petit peu faible aussi en France. C'est la difficulté de ne pas pouvoir profiter de la fête tout le temps, du festin parce que tout devient un petit peu cher. Et dire qu'on voilà, c'est un morceau d'union, c'est un morceau pour faire aussi la fête ensemble dans ce contexte un petit peu difficile. Celui-là, on a hâte que les gens l'écoutent et qu'ils se l'imprègnent parce que on a vraiment, on est très impatients de le rejouer en live et de le chanter tous ensemble. Punk No Dad, British Connection. Rien à perdre, tout à gagner. Rien à perdre. Et on fait une dernière pause dans British Connection. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie avec une série live. Il y aura un morceau de Silmarils et deux titres pour le prix d'un aujourd'hui M83. A tout de suite les amis.